Bribes. Troisième reprise. Dieu pouvait être si cruel dans son indifférence qu'il m'épouvantait. Dieu savait se montrer doux aussi, et je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Pourquoi ? Ce souvenir-ci commence avec cette question. Alors qu'il se concentre dessus, que sa mémoire habille le pourquoi d'une modulation de voix et d'une silhouette qui se découpe de plus en plus précisément sur fond de lumière, il comprend qu'elle émane d'Artémis. Elle a beaucoup changé depuis le souvenir précédent. Plusieurs années doivent s'être écoulées, elle ne porte plus de lunettes, sa voix a gagné en profondeur, et son corps, malgré les incongrus habits masculins qu'elle revêt, est résolument celui d'une adolescente en pleine puberté. Une très grande adolescente. Sa taille et son envergure sont bien supérieures à la normale. Artémis est assise sur la bordure d'une fenêtre un peu étroite pour elle. Son animisme fait tourner un globe terrestre posé en équilibre sur ses genoux. Le soleil illumine son profil sérieux et sa longue tresse rousse. Pourquoi me demandes-tu ? Pourquoi ? Sa voix a lui aussi amué. Elle possède un timbre plus grave encore que celui d'Artémis, comme si sa cage thoracique avait pris des proportions formidables. Pourquoi est-ce que toutes les cassettes que tu m'offres sont vides ? Précise Artémis. Chaque fois que je te rends un service, tu m'en donnes une et elle est vide. Quitte à faire un cadeau, fais-le bien. Elle lui explique cela d'un ton dépourvu de reproches, ça ressemble plutôt à une recommandation de grande sœur à petit frère. Elle continue de faire tournoyer le globe sur son axe sans avoir à le toucher. Un monde rond, encore intact. Le monde de cette époque ? Je pense que les boîtes font un cadeau idéal, s'entend-il répondre après un silence. S'il y avait quelque chose à l'intérieur, quelles seraient les chances pour que ça corresponde à ce que tu espérais y trouver ? Tu serais forcément déçu. Je t'offre le contenant. Tu y mets toi-même le contenu que tu veux. Au fur et à mesure qu'il prononce ces mots, il sait que ce n'est pas la seule raison. La vérité, c'est qu'il est totalement dépourvu d'imagination. Il se sent parfois aussi vide que les cassettes qu'il offre à sa sœur. « Je me demande où j'irai vivre quand je serai arrivé à l'âge adulte, » dit Artémis en examinant son globe sans enthousiasme. « Si c'était possible, je choisirais les étoiles. » C'est ironique, non ? Mon pouvoir n'a d'affinité qu'avec la matière artificielle et je ne suis intéressé que par le monde céleste. Va savoir, les étoiles seraient peut-être plus décevantes que tes cassettes vides. La seule façon d'en être certaine... ajoute-t-elle d'un ton pensif, ce serait d'apprendre à mieux les connaître. Quand je serai adulte, je commencerai par me choisir une montagne où je ferai construire le meilleur observatoire du monde. Et toi ? Lui, il se contente de fixer le globe d'Artémis sans répondre. Il ne sait pas. Il n'aime pas du tout la perspective de devoir quitter un jour la maison comme au temps de son apprentissage forcé parmi les humains. « Tu devrais t'entraîner comme les autres au lieu de paresser, » déclare soudain Artémis en cessant de faire tourner son globe. « Tu es encore loin de maîtriser ton pouvoir, Odin. » « Les autres ?» Son angle de vision dévie pour revenir à sa position initiale, celle qu'il avait avant qu'Artémis ne lui demande pourquoi. Et il s'aperçoit qu'il a le visage à demi enfoncé dans ses manches. Il se tient avachi sur une table, les bras croisés devant lui. Dans l'entrebâillement de ses rideaux de cheveux blancs, il n'y a que le brouillard, un flou induit par la défaillance de sa mémoire. L'observateur tapit tout au fond de lui, cette conscience qui aujourd'hui s'efforce de reconstituer le puzzle du passé, repasse en boucle ce mouvement oculaire, d'Artémis vers les autres, de la fenêtre vers le reste de la salle, dans l'espoir d'accrocher un détail, de déclencher un déclic qui lui permettra de recomposer la scène. Des soldats de plomb. Oui, il les voit alignés sur la table voisine. Les soldats de plomb ne sont pas à lui. Ils appartiennent à son frère Midas, Midas est en pleine tentative de transmutation, louchant de toutes ses forces sur son colonel pour le changer en or. Pour le moment, ça ressemble plutôt à du cuivre. D'accord. À sa gauche, il y a Artémis et son globe. À sa droite, il y a Midas et ses soldats de plomb. Ensuite, des pastels. Ils flottent dans les airs, mais pas d'une façon anarchique. Tels des satellites miniatures, ses bâtonnets colorés tournent en orbite autour de son autre frère, Ouranos, l'artiste de la famille, attablé un peu plus loin. D'accord. À sa gauche, il y a Artémis et son globe. À sa droite, il y a Midas et ses soldats de plomb. Devant lui, il y a Ouranos et ses pastels. Ensuite, le périmètre de sa vision s'élargit à mesure qu'il se réapproprie la scène. Il entrevoit les silhouettes des jumeaux Hélène et Pollux qui procèdent à des expérimentations acoustiques à partir d'un diapason, ou encore celle de Vénus qui essaie de charmer un scarabée qui brille comme un bijou dans la lumière du soleil. Dans quel endroit se trouvent-ils tous? En dehors des tables et des fenêtres ensoleillées, il ne se le rappelle pas. Tous ces grands adolescents maladroits, occupés à faire leurs travaux pratiques comme des écoliers exemplaires, sont-ils conscients qu'ils seront un jour les rois et les reines du monde, un monde qui n'aura plus rien à voir avec le globe posé sur les genoux d'Artémis? Il s'interroge, tandis que son regard essaie d'atteindre l'ombre dressée tout au fond de la salle, là où le brouillard de sa mémoire ne s'est toujours pas dissipé. Qui est Dieu? Que veut Dieu? À quoi ressemble Dieu? Tous ses souvenirs gravitent autour de ce personnage central et pourtant ils ne parviennent pas à lui conférer un visage. L'émotion qui le saisit à la gorge quand, comme en cet instant, il observe Dieu depuis sa table, depuis ses bras croisés, depuis l'entrebâillement de ses cheveux, est au contraire d'une évidente limpidité, de la crainte. Il ne comprend pas, il n'a jamais compris ce que Dieu attendait de lui. Pour ses frères et sœurs, tout a l'air si simple. Ils acceptent leur pouvoir, ils respectent chaque instruction, ils font ce qui est écrit dans leur livre sans se poser de questions. Lui, Odin, ne comprend rien à rien. Il a peur de devenir ce que Dieu attend de lui et il a peur aussi de ne jamais le devenir. Ce sont des émotions beaucoup trop complexes pour lui. Une turbulence traverse soudain le souvenir. Elle provient d'un frisson qui lui parcourt le corps entier. Dieu vient de se mettre en mouvement et il se dirige vers lui. Il en a plus peur que jamais. Alors pourquoi Dieu reste-t-il à l'état d'ombre informe? Il doit absolument se souvenir de lui, c'est essentiel. Dieu s'avance très lentement entre les tables, à moins que ce ralenti soit une déformation du souvenir. Dieu passe à côté des expériences acoustiques d'Hélène et Pollux, du scarabée de Vénus, des pastels d'Ouranos, des soldats de plomb de Midas. Dieu vient pour lui et pour lui seul. Dieu a vu qu'il ne travaillait pas son pouvoir comme les autres. Dieu est déçu. Dieu va lui reprendre son livre. Dieu va le renier et le chasser de la maison. Dieu lève la main. La main de Dieu. C'est la première manifestation physique de lui qu'il parvient à se rappeler. Ce personnage pour lequel il nourrit des émotions aussi exacerbées, est-il réellement doté d'une main à ce point petite et ordinaire? Il croit que la main de Dieu s'abat sur lui pour le frapper, mais elle lui ébouriffe les cheveux d'un geste taquin. Et tandis que Dieu s'éloigne sans un mot, toujours dépourvu de forme propre, il se sent, lui, empli d'une chaleur brûlante. La peur a cédé la place à un amour éperdu. Une vérité s'impose à son esprit, la seule qui compte au monde. Aujourd'hui encore, il pourra rester à la maison avec Dieu et les autres. Le souvenir s'achève ici. Nota bene. Scelle tes charmes. Qui a prononcé ces paroles et que signifie-t-elle ?